Ça a bien été dans le sens que la police de Québec a fait une maudite belle job. 176 arrestations, on a le chiffre précis, ça vient d'être confirmé par les policiers de Québec.